Thank you.

Thank you.

です。Thank you. Faut pas acheter des places à 25 euros. Et là, j'ai encore fait le ministre. Mais tu peux pas una cumbia para la voisina. Elle arrive, elle a fait les courses. Rum y coca. Thank you. Vecinos, morir. Casarme a un cedro.